Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux, tu es vivant et tu reviens. Que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, et nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour toi qui, en ce moment encore, viens nous donner la paix et la joie de ton cœur.